just waiting for all of my followers to get here so they can come and praise the Lord because I am from another planet. I have never been not from another planet. Welcome to America. Thank you. two-time champion. Coming at you. Two-time champion. Coming at you. Est-ce que vous m'entendez? Do you listen to me? Do you listen to me? Do you listen to me? Do you listen to me? Do you listen to me? What's the problem? What's the matter? What's the problem? Okay, vous m'entendez? Oh, nice. Violon. Ça va mieux là, non? Je C'est joli. Le corps brisé, le corps endoloré. Je visite les vestiges de ma vie. Je surveille le soleil de mes nuits. Je n'ai pas sommeil. Le cœur brisé, le corps endolori. Sur la tête comme le chant de la pluie. Plus qu'il y a pour un crétin fini. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Le cœur en sang et la vue sur la nuit. Et la claque du vent et la gifle du bruit. Le cœur en sang comme le goût de la vie. A changé récemment comme un goût de mépris. Je n'ai pas sommeil. Non, je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Oh, je n'ai pas sommeil. Come on, everybody. Bonjour à l'Amérique, bonjour les Américains, nos amis américains, notre peuple américain. Comment ne pas vous dire merci pour nous avoir sauvés pendant la guerre? Oui, amis français, car nos amis américains, s'ils n'étaient pas là, eh bien, on serait tous allemands. On parlerait tous allemand. Ich bin German people. Thank you, you sir people. Because French people depend of you. A super night, waking for. Le cœur brisé, le corps endolori. I'm ready to sing with you. I sing in French because I don't speak very well English. I prefer to speak in my language to explain. I prefer sing in French. And if you want to understand, you must go to Google Translate. I like the violin. I like the violin. Messieurs, nous attendons le riff qui va nous inspirer, car dans le monde de la musique, ça se passe comme ça. Il suffit d'un petit riff, un petit morceau, 3-4 accords de guitare. Ensuite il faut une osmose entre les musiciens. Come on, everybody, come on, are you ready? You're looking for the good melody, inspiration. I don't want to play keyboards this morning because it's too late, and I just want to sing. My family is sleeping because it's time to weekend. De ma vie, je surveille le soleil de minuit. Je n'ai pas sommeil. I like the piano. Good Razel, good, good, good musician. Okay, inspiration for Razel. Stop. Okay. Come on. Le cœur brisé, le corps endolori. Je visite les vestiges de ma vie. Je surveille le soleil. Oh là, je sature moi. Excusez-moi. I must. English, but I'm not very good in English. I speak French. If you speak English for me, I'm sorry. If you could please speak slowly, like England people. I understand when English people speak, but when American people speak, it's very hard for me because you speak very speed. You understand? For me, please speak slowly. Je serai reconnaissant. Well, first of all, thank you. Thank you.